jamais eu ce que je désirais. J'ai toujours eu ce que je ne désirais pas. Ce que je désire, je ne l'aurai pas. Dès lors, pour l'avoir, je ne dois pas le désirer. Puisque j'ai seulement ce que je ne désire pas. Je ne puis avoir ce que je désire. Je ne désire pas ce que j'ai. Je ne puis l'avoir parce que je le désire. Je l'ai parce que je ne le désire pas. L'engloutissement lui apparaît comme un risque qu'il court en étant compris, c'est-à-dire surpris, je désire saisi, ce que je ne puis avoir, en étant aimé. Ce que je ne puis avoir et ce que je désire. Voir, simplement en a-t-on vu. Je ne désire pas ce que je puis avoir. Être compris correctement. Parce que ce que je puis avoir est ce que je ne désire pas. C'est être englouti, enfermé, absorbé, noyé. Je n'ai jamais ce que dévoré, je désire. Étouffé par la prétendue compréhension d'une autre personne. Je ne désire jamais ce que j'ai.